Dieu la grande, God is great, God is big. Oh Dieu merci beaucoup, Dieu merci parce que j'ai vu longtemps. Oh, même si vous voulez la maquille, n'a qu'à content de Dieu, n'a qu'à gagner son petit bible à côté pour prier Dieu. Bénéfice de boisson là c'est quoi même, bénéfice là c'est tomber dans le niveau. Même la foi de nez, va rafler moi là, y'a cassé ma table, Dieu l'a fait tout ça la camarade. Et vous pas checker même là, n'a qu'à passer à Dieu. Sinon à chaud là, oh va dire quoi là, oh ma flancée là, oh. Oh, arrête la paix, tapez ta gosse là, fais mouli. Oh, regardez même pas ça, vous n'a qu'à venir l'église beaucoup, beaucoup. Hallelujah.